parle pas ton futur ex après moi, c'est sûr t'en as plus. Si ta honte est triste, peux sécher tes larmes sous la pluie. Tu fais de principe et de loyauté, je sais que les autres ont déçu. Je vais faire jaillir la joie des profondeurs des blessures. Laisse-toi guider par ma voix, si t'es dans le noir. Arrête de fouiller mon Facebook, tu restes foncé dans le mur. Moi j'ai déjà été déçu, je comprends ce que t'es en train de vivre. Pas de passagère dans mon cœur, je crois que j'ai un mauvais train de vie. Relation étroite, tu te mets à suffoquer. Quand l'amour passe comme un éclair, ben y'a de quoi sursauter. Y'a pas de choriste quand je te parle, une parole j'en ai qu'une. Dans un cimetière de sentiments, j'ai enterré de l'amertume. J'ai tabassé ma trahison à faire flipper mes principes. T'inquiète pas, je suis fidèle, aucun de mes potes ne m'incite. Je vais me poser avec toi et je m'en fous de ta répute. Je mets tous tes ex sur le banc, je suis l'arrêt de bus. Oublier, oublier, tout oublier pour mieux recommencer. Toutes tes blessures et les mots du passé. Tu as pris mes larmes, mes doutes sont effacés. Oublier, oublier, oublier. Je garde avec toi tes défauts, tes secrets. Je serai là, je ne compte pas tes billets. Qu'avec toi mes jours je finirai. J'oubliais. Moi j'ai confiance en personne et vois ça comme une vertu. Mes ambitions portent un treillis et la couleur vertu. Ta copine sort avec ton ex, c'est pas un rêve. Quand t'auras fini de manger ton pain, donne-lui les restes. Une vie heureuse avec moi, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. T'as mis des mines autour de ton cœur, mais j'suis pas là pour sauter. Faut bien une touche d'humour, j'suis pas de ceux qui s'isolent, qui sentent seuls, qui picolent. Ambiance tagine, chicha pomme, j'ai la barre. Tes grands-parents sont au bled, va en ira là-bas. Tu sais que j'inspire confiance, t'étouffes pas si t'essayes. Tu peux t'endormir tranquille, je serai encore là au réveil. Mon portable n'a pas de code, ta méfiance peut rentrer. Un avenir battu pas seul, demande au chef du chantier. Tu seras pas trahi deux fois, je te le jure sur ma vie. La femme que j'aimerais plus que toi, ce sera notre fille. Pour vous l'amour ça va, ça vient. Mais dis-moi où seras-tu demain. Premier beau jour, me chanteras-tu ce même refrain? J'aimerais passer ma vie blottie à tes côtés. Enfin tourner la page d'amour inachevée.